Le Père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, témoignages et documents, Sœur Geneviève de la Sainte Face et de Sainte Thérèse, OCD, Céline Martin, Carmel de Lisieux, le 30 septembre 1952, en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Markendanarchive.org. D'après, phpbbserver.com/forum-michael/monique. Licence Creative Commons CC 3.0F. Pas d'usage commercial. Partage à l'identique. Lettre de Son Excellence Monseigneur Picot, évêque de Bayeux, à la Révérende Mère Prieure du Carmel de Lisieux, Bayeux, le 29 juillet 1953. Ma révérende mère et chère fille en notre Seigneur, vous savez trop la profonde estime que j'ai vouée aux vénérés parents de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus pour douter de mon approbation à votre projet de publier une brochure sur le portrait moral de Monsieur Martin. J'ai toujours insisté auprès des sœurs survivantes, de la chère sainte, pour qu'elles recueillent soigneusement tous les souvenirs concernant, non seulement leurs glorieuses petites sœurs, mais leurs incomparables pères et mères. Je ne puis donc qu'encourager vivement Sœur Geneviève de la Sainte Face, l'ultime témoin de cette famille privilégiée, à nous livrer le fidèle portrait de Monsieur Martin, dont elle fut, dans l'épreuve, l'ange consolateur. Cette publication, ajouterai-je, vient à son heure, pour rectifier certaines déformations regrettables, échappées à des auteurs insuffisamment renseignés. C'est un devoir de rétablir la vérité, à l'aide de documents authentiques, qui dépassent tout commentaire, et rendent à la magnifique personnalité du Père de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, son incontestable grandeur psychologique et surnaturelle. On ne saurait oublier qu'en proclamant l'héroïcité des vertus de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Benoît XV s'est plu à louer son père qui, vrai modèle des parents chrétiens, n'avait pas caché son noble orgueil de consacrer à Dieu, dans la vie religieuse, toute sa descendance. Discours du 14 août 1921. De tels exemples sont plus que jamais opportuns pour la restauration de la famille chrétienne et, par elle, de notre société moderne décadente. Veuillez agréer, ma révérende mère et chère fille en notre Seigneur, avec mes vœux pour l'action bienfaisante de cette initiative, ma paternelle bénédiction. François-Marie évêque de Bayeux et Lisieux, imprimatur, Bayeux, le 16 juin 1953, François-Marie, évêque de Bayeux et Lisieux. À notre révérende mère Françoise Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, prieure du Carmel de Lisieux. Ma mère, la publication des lettres de notre chère maman l'ayant fait apprécier au dehors, vous m'avez demandé de faire connaître aussi notre Père vénéré, sous son véritable jour, en rassemblant mes souvenirs d'octogénaire. À vrai dire, l'essentiel se trouve dans l'histoire d'une famille qui a mis en œuvre, avec une scrupuleuse exactitude, toute la documentation écrite et orale fournie par Mère Agnès de Jésus et par moi-même. Ce livre fait loi. Pour répondre à votre désir, j'ai voulu toutefois relater mes mémoires personnelles à son sujet. Écrire une biographie sera inutile, puisqu'elle existe dans l'ouvrage précité. J'ai donc simplement groupé un certain nombre de traits qui constitueront comme un portrait moral de notre Père. Je vous livre cet écrit, ma mère, avec la même simplicité qui me l'a fait rédiger. Je puis affirmer que, seul, le souci de la vérité m'a soutenu et guidé en cet effort. Il suffira de vous y référer, ainsi qu'à l'histoire d'une famille aux lettres de ma mère, pour juger de la valeur des renseignements que certains pourraient recueillir, à Alençon, comme à Lisieux, sur nos parents, notre vie familiale et nos relations de jadis. De multiples expériences m'ont prouvé qu'il s'y mêlait fréquemment des confusions ou vaines imaginations. Les propos erronés passent de bouche en bouche et finissent par couvrir totalement la vérité, comme les couches successives de sédiments cachent le coquillage et la splendeur de sa nacre. Je tiens à vous dire aussi, ma mère, relativement aux mots saints attribués parfois à mes parents, ou cités sous la plume d'autres témoins de leur vertu, que cette expression n'a qu'une valeur absolument privée. Sœur Geneviève de la Sainte Face et de Sainte Thérèse, au CD Carmel de Lisieux, le 30 septembre 1952, en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Le portrait moral de mon père. Mon père, Louis Martin, naquit à Bordeaux, le 22 août 1823. Il était fils d'un officier de l'armée française, alors en cargaison dans cette ville, et normand d'origine. On doyait aussitôt, les cérémonies du baptême durent être retardées en raison de l'absence du capitaine, parti à l'expédition d'Espagne, d'où il devait revenir avec la croix de chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. C'est alors que le Saint-Archevêque de Bordeaux, Monseigneur Davieux du Bois de Sanzay, ayant rencontré le cortège en l'église Sainte-Eulalie, s'approcha du nouveau-né, le bénit et dit aux heureux parents, « Réjouissez-vous, cet enfant est un prédestiné. » On sait, par l'histoire d'une famille et la préface de l'histoire d'une âme, ses aspirations de jeunesse vers la vie religieuse, sa tentative d'entrée, à 20 ans, chez les religieux du Grand Saint-Bernard, puis, dans l'espoir d'y être admis, son essai d'études latines. En fait de langues étrangères, il n'avait appris que l'allemand. Orienté, assez tard, vers la fondation d'un foyer, il épousa, le 13 juillet 1858, Mademoiselle Zélie Guérin, qui dirigeait une entreprise de point d'Alençon, en la cité, et qui était fille d'un soldat de l'Empire, enrôlé, depuis, dans la gendarmerie. Elle lui serait enlevée le 28 août 1877, après lui avoir donné 9 enfants, dont 4 s'envolèrent au ciel en bas âge. C'est alors qu'il vint, avec nous, ses 5 filles, résider à Lisieux, où le frère de notre mère, M. Isidore Guérin, était installé pharmacien. Il y habita la propriété dite, les Buissonnets, maison sise entre deux jardins et surmontée d'un belvédère dont il sera souvent question. Jeune homme, mon père demeurait avec ses parents à Alençon, au faubourg Saint-Pierre de Montsort, où était alors leur domicile. C'est de là qu'il fit plusieurs séjours en Bretagne, d'où il revenait joyeux en costume breton. De là, aussi, qu'il excursionna jusqu'aux montagnes suisses. Une personne de cette génération, qui avait perdu de vue notre famille, écrivait 56 ans plus tard, au sujet de la parution de l'histoire d'une âme. Sœur Saint-François de Sales d'Esrosiers, religieuse de Notre-Dame de Charité Caen, lettre d'avril 1899. Cette lecture sous un charme d'autant plus grand qu'elle me rappelle une famille respectable, estimée et aimée longtemps à Alençon. Madame Martin, mère, habitait près de nous. Son fils, Louis Martin, était l'ami de mes frères. Quand il revint du Mont-Saint-Bernard, il me semble encore voir et entendre son heureuse mère. « Ah mon Louis, mon cher Louis, nous disait-elle, c'est une perle. » Elle avait raison, et mes frères nous disaient, à nous, Louis Martin est un saint. Par la suite, il établit un magasin d'horlogers bijoutiers, dans le quartier de Montsort, au numéro 23 de la rue du Pont-Neuf, où le suivirent ses parents. De plus, il acquit, aux confins de la ville, un petit immeuble, le pavillon, tourelle hexagonale, à l'angle d'un jardin où, ayant conservé ses goûts de vie claustrale, il se retirait pour lire et prier. Lui-même avait inscrit sur les murs des sentences telles que celle-ci : « Dieu me voit, l'éternité s'avance. » Dans le jardin du pavillon, il avait placé une statue de la Vierge qui devait être, par la suite, l'objet de la vénération de toute notre famille et sourire à Thérèse enfant. Sa vertu, autrefois, l'avait soustrait aux séductions du monde. Ma mère le cite en exemple à son frère, alors étudiant en médecine à Paris. « Je suis, mon cher ami, dans une grande inquiétude à ton sujet. Mon mari me fait à tous les jours de tristes prophéties. Il connaît Paris et il me dit que tu seras en butte à des tentations auxquelles tu ne résisteras pas, parce que tu n'as pas assez de piété. Il me conte ce qu'il a éprouvé lui-même, et ce qu'il lui a fallu de courage pour sortir victorieux de tous ces combats. Si tu savais par quelles épreuves il y a passé. Je t'en conjure, mon cher Isidore, fais comme lui, prie, et tu ne te laisseras pas entraîner par le torrent. Notre père allait chaque jour à une messe matinale, y faisant la Sainte Communion aussi souvent que le permettaient les usages du temps. Accompagné de ma mère, il quittait de bonne heure la maison, si bien que les voisins disaient, en entendant le bruit de la porte qui se fermait, « Ce sont les saints époux Martin qui vont à la messe, dormons. » Lorsqu'il habitait rue Saint-Blaise, là où Thérèse devait naître, ce fut Notre-Dame qui les accueillit, cette église au porche si merveilleux qu'un dicton local dit avec un peu d'irrévérence, « L'église est faite de la sorte que pour mettre le bon Dieu au plus bel endroit du lieu, il faudrait le mettre à la porte. » Toutefois, chez eux, il était bien, non pas à la porte, mais au plus bel endroit du lieu, dans leur cœur tout dévoué à son service. Constamment assidus aux offices divins, nos parents étaient des modèles fonciers de vie paroissiale. À Lisieux, c'est le plus souvent à la cathédrale de Saint-Pierre que mon père assistait à la messe. Quand il avait communié, il restait silencieux sur le chemin du retour. Je continue de m'entretenir avec notre Seigneur, nous disait-il. Chaque après-midi, il faisait une visite au Saint-Sacrement et n'aurait pas manqué de suivre immédiatement le dé, lors des processions de la fête-Dieu. Il ne s'en dispensait à aucun prix, même lorsque le soleil dardait ses rayons brûlants, ce qui l'incommodait beaucoup, ayant, bien entendu, la tête découverte. Cette dévotion à Jésus-Eucharistie se révélait encore par sa fidélité exemplaire à l'adoration nocturne. Il s'y rendait l'un des premiers, choisissant de préférence les heures les plus fatigantes et changeant volontiers celles que lui donnait le tirage au sort, s'il se trouvait plus favorisé. À Lisieux, où cette pieuse pratique n'existait pas, il amena M. Guérin, notre oncle, qui faisait partie de la fabrique de la cathédrale, a fondé cette œuvre. On le vit à plusieurs reprises, à Alençon, où c'était l'usage, de suivre avec un cierge le prêtre portant le Saint Viatique à un malade. Je dis que c'était l'usage parce que cette pieuse action était admise, mais bien peu d'hommes allaient jusque-là. De même, je l'ai toujours vu saluer lorsqu'il passait devant une église. Cela, quelle que fût la compagnie dans laquelle il se trouvait. Son culte pour la maison de Dieu se manifesta encore par un geste tangible de générosité, quand il offrit spontanément, en 1888, la somme de 10 000 francs, qu'il avait demandé pour l'acquisition d'un nouveau maître, autel de la cathédrale de Lisieux. Que dire de l'esprit de foi et de l'invincible espérance de mon père? Dieu en tout, Dieu au-dessus de tout. Aussi, la devise de Saint Ignace lui était-elle chère. Tout pour la plus grande gloire de Dieu. Souvent au belvédère des Buissonnets, quelqu'une d'entre nous le surprenait, plongé dans une profonde oraison, regardant au loin avec une expression empreinte de béatitude. Plusieurs fois alors, nous l'entendîmes murmurer « Ego ero mers tuam animi ». Son cœur était plein de cette pensée, il en débordait. Puis, reprenant en français, il appuyait sur chaque syllabe. « Je serai moi-même votre récompense grande à l'infini. » Nous en avions été si frappés, que ce texte, qu'il avait tant goûté, fut imprimé en tête de son image mortuaire. Tout ce qui touchait à notre Seigneur le passionnait. Un jour de Noël, vers la fin de sa vie, il disait à sœur Agnès de Jésus, au parloir du Carmel, « Un petit enfant, à comment ne pas être attiré vers le bon Dieu qui s'est ainsi anéanti ? C'est si aimable un petit enfant. » Il avait également la dévotion aux cinq plaies. Je l'entendais fréquemment avec notre mère, s'entretenir du ciel, de l'éternité. Volontiers il répétait ces vers de Lamartine. Homme, le temps n'est rien pour un être immortel. Malheurs à qui l'épargne, insensé qui le pleure. Le temps est ton navire et non pas ta demeure. Plus tard, cette image du navire sera évoquée par Thérèse. Les lectures pieuses entretenaient ses sentiments. Au pavillon d'Alençon comme au belvédère de Lisieux, il n'y avait que des livres parlant des choses de la foi. C'est par mon père, à qui sœur Agnès de Jésus l'avait prêté, que Thérèse connut le livre de l'abbé Armajon, « Fin du monde présent et mystère de la vie future », ouvrage qui lui fit tant de bien. Notre père faisait aussi des retraites fermées. On conserve à la table de souligner les dates de l'un de ses passages. Il avait de l'attrait pour les pèlerinages, qu'il accompagnait de pénitence. Il partait alors à Jeun, le bâton à la main, à Notre-Dame de Sé ou dans des sanctuaires proches d'Alençon. Chartres le vit aussi plusieurs fois. Son but était d'implorer quelque grâce, la guérison d'un de ses enfants malades, ou le salut de la France. Le respect humain ne l'effleurait pas. Au contraire, il mettait sa gloire à afficher ses opinions. Un jour, un pèlerinage régional revenant de Lourdes, se rencontra, en gare d'Alençon, avec des manifestants venus pour le conspuer. Faisant partie des pèlerins, il sortit en tête de ceux-ci, effrayé, et crânement, un gros chapelet de bois sculpté autour du cou, il passa au milieu des assaillants qui, aussitôt, se dispersèrent. Une autre fois, sur le parcours du Saint-Sacrement, il fit sauter, d'un geste rapide, la casquette d'un individu moqueur qui, par bravade, affectait de ne pas se découvrir. Aussi, les ennemis de la religion le considéraient-ils avec respect, bien qu'il leur donnât, en plus d'une circonstance, des leçons par sa conduite. Ils ne pouvaient, non plus, souffrir que les servants de messe oublient leurs obligations, et je fus surprise, un jour, de le voir se déranger pour agiter, au moment de la consécration, la sonnette qui se trouvait à proximité des fidèles. De même, afficha-t-il son scepticisme à l'égard de certains jeux de société. Un soir que, dans un cercle d'amis, on devait faire parler une table, il refusa d'y prendre part. Or, pendant l'exercice, il disait en son cœur, « Mon Dieu, si c'est le démon qui intervient dans ces distractions, faites que la table ne tourne pas et on ne peut la faire bouger. » Échec dont il fut déclaré responsable. Les jeûnes d'obligation étaient strictement observés par lui, même si, à la maison, on recevait des convives non pratiquants. Ma mère écrit à son frère, le 16 mai 1864, « Tu m'apprends que la tante de Paris doit venir cette semaine. Cela nous fait à tous le plus grand plaisir et nous nous en réjouissons d'avance. » Tu me dis qu'elle ne passera qu'un jour chez nous. Nous verrons cela quand elle sera ici. Je veux qu'elle reste plus longtemps, mais si tu pouvais la décider à ne venir que la semaine prochaine, j'en serais bien contente pour la raison que voici. Mercredi, vendredi et samedi c'est le jeûne de quatre temps. Tu sais que Louis est rigoureux observateur des commandements de l'Église, il ne voudrait ni faire gras, ni ne pas jeûner pour un empire, et je doute que ma tante soit aussi fidèle à son devoir. Quand, M.D., est venu ce carême, tu ne saurais croire combien nous avons été gênés. Louis jeûnait seul, puisque je m'en trouve dispensé pour le moment, il nous regardait manger de bonnes choses, pendant qu'il ne faisait que sa légère collation, et il a fallu ne donner que du maigre. Particulièrement remarquable était la délicatesse de notre Père à sanctifier le dimanche. Le jour du Seigneur était sacré pour lui, au point que ses amis trouvaient qu'il exagérait parfois la pratique du repos dominical. Ils insistaient pour qu'il ouvrît sa bijouterie, ne fût-ce que par une porte dérobée, lui faisant valoir qu'il perdait des occasions de gains considérables, car elle se trouvait juste en face d'un grand magasin de nouveautés où affluaient les acheteurs, surtout les jours fériés. La plupart de ces derniers étaient des paysans venus à Alençon faire leurs emplettes, en vue de noces, baptêmes, étrennes, etc. Peine perdue. Là où pour tout autre la tentation eût été insurmontable, il n'y succomba pas. Pour la même raison, il n'achetait rien le dimanche. Ainsi, ayant vu une fois en montre, sur un comptoir ambulant, une pierre à affiller qu'il désirait acquérir, il demanda qu'on la lui réservât pour le lendemain. Nous suivions nous-mêmes ce principe, aussi, ce jour-là, avions-nous du pain rassis dont on s'était muni la veille et arrêtait le cas où nous nous permettions un voyage nécessitant le travail de tiers. Dans une lettre adressée à sa belle-sœur, Madame Guérin, le 29 septembre 1875, notre mère déclare « Bien souvent j'admire le scrupule de Louis et je me dis « Voilà un homme qui n'a jamais essayé de faire fortune. » Quand il s'est établi, son confesseur lui disait d'ouvrir sa bijouterie le dimanche jusqu'à midi. Il n'a pas voulu accepter la permission, préférant manquer de belles ventes. Et, malgré tout, le voilà riche. Je ne puis attribuer l'aisance dont il jouit à autre chose qu'à une bénédiction spéciale, fruit de son observance fidèle du dimanche. Mais Dieu va plus loin encore dans ses promesses, quand, solennellement, il proclame « Si tu t'abstiens de fouler aux pieds le jour du sabbat en t'occupant de tes affaires et que tu appelles mon saint jour tes délices, alors je t'élèverai comme en triomphe, au-dessus des grandeurs de la terre, car la bouche du Seigneur a parlé. » Isaïe 58, 13, 14. Quant à son culte pour le sacerdoce, j'ai dit moi-même, dans ma déposition au procès apostolique pour la canonisation de ma sainte petite sœur, combien j'étais édifié en voyant papa saluer tous les ecclésiastiques qu'il rencontrait. Son respect pour les prêtres était si grand que je n'en ai vu point de pareil. Je me souviens qu'étant petite, je me figurais que les prêtres étaient des dieux, tant j'étais habitué à les voir placés en dehors du rang commun. Jamais je ne l'ai entendu formuler une critique à leur endroit, ni trouvé à redire sur un sermon. Il écoutait avec une pieuse déférence la parole de Dieu, sans s'attacher à la valeur de l'instrument qui la donnait. Son confesseur habituel, à Lisieux, était M. l'abbé Le Pelletier, vicaire à la cathédrale, et, volontiers, il sollicitait les conseils du révérend Père Pichon, de la Compagnie de Jésus, qu'il aimait appeler le directeur spirituel de toute la famille Martin. Cet éminent religieux était, d'ailleurs, un compatriote, né à Carouge, Orne. En relisant ces lignes écrites au courant de la plume et au fil de mes souvenirs, je m'aperçois que j'emploie souvent les mots jamais, ou toujours. C'est que notre Père était, en toute chose, d'une rectitude militaire. Ses vertus ne se démentaient pas, elles suivaient des rails solidement ancrés dans le sol, sans qu'il y ait secousse d'un côté ou de l'autre. Mes parents s'intéressaient beaucoup au salut des âmes. Ils priaient et faisaient prier pour les pécheurs, notamment quand, dans leur voisinage, l'un d'eux était en danger de mort, veillant à ce qu'il reçût les derniers sacrements. À sa fille Pauline, alors pensionnaire à la Visitation du Mans, ma mère écrivait, le 14 mai 1876, Je recommande à tes prières, et surtout à celle de ta tante, un pauvre homme qui va mourir. Voilà 40 ans qu'il ne s'est pas confessé. Ton père fait tout ce qu'il peut pour le décider à se convertir. Les Clarisses d'Alençon, et plus tard le Carmel Lexovien, étaient, alors, mis à contribution. Dans ce temps-là, les œuvres multiples et les mouvements spécialisés n'existaient pas, comme de nos jours, mais notre père faisait partie de ceux qui étaient établis, tel le Cercle catholique d'Alençon et la Conférence de Saint-Vincent de Paul, dont il était membre actif. Plus tard, il fut inscrit sur la liste des fondateurs du Cercle de la paroisse Saint-Jacques de Lisieux. L'œuvre d'apostolat la plus connue chez nous était la propagation de la foi pour laquelle, chaque année, nos parents faisaient une très belle offrande. Dans leurs prières passaient les grandes intentions de l'Église et du Pape. Nous entendions souvent, à la maison, parler avec tristesse des maux de l'Église, de la captivité du pontife romain, des débuts de persécution en France et dans le monde entier. Je ne puis manquer de noter, cependant, qu'au-dessus de toute intercession, mes parents recouraient au saint sacrifice de la messe et qu'ils avaient à cœur de le faire célébrer pour les âmes des défunts. On verra, par la suite, combien ce souci du prochain survécut chez mon père, jusque dans les angoisses de la maladie. C'est encore ce zèle des âmes qui leur faisait tant désirer avoir un fils missionnaire et des filles religieuses. Mon père, par dévotion pour l'apôtre des Indes, aimait à signer Xavier, bien que ce nom ne figurât pas dans ce reçu à son baptême. Nos parents auraient pu se replier sur leur cercle familial et en goûter les joies intimes, mais non, élargissant notre horizon, ils nous faisaient penser aux autres. Ainsi, c'est mon père qui parla à Thérèse du condamné Pranzini lequel lui dut son salut. Quant à notre mère, il suffit de lire ses lettres pour voir combien elle avait l'apostolat dans le sang. À l'amour de Dieu, à l'esprit de foi et d'espérance se joignait, chez mon père, une charité extrême envers le prochain. C'était son trait dominant. Si, la nuit, le tocsin sonnait, annonçant un incendie, il se levait aussitôt pour courir là où le danger était le plus grand. Une fois, au pensionnat de l'abbaye, j'en parlai à mes compagnes quand l'une d'elles s'exclama « Chez nous, c'est tout le contraire, papa se cache sous ses couvertures. » Ce qui m'étonna beaucoup. Cette bravoure, bien connue, de notre père nous tenait dans l'inquiétude, quand nous ne le voyions pas rentrer à l'heure. Nous craignions toujours qu'il n'ait voulu séparer des gens qui se battaient et ne se soient attirés un mauvais coup, ou bien qu'il se soit porté au secours d'un noyé, car il était très bon nageur et il n'eût pas hésité à exposer sa vie pour sauver celle d'autrui. Dans sa jeunesse, il exécuta ainsi plusieurs sauvetages, dont l'un fut particulièrement dramatique. En effet, il faillit y perdre la vie, son compagnon lui serrant désespérément le cou et paralysant ses mouvements. J'ai toujours pensé que, dans ses désirs de vie religieuse, à son choix du grand saint Bernard pour vivre sur les hauteurs, loin du tumulte des villes, n'était pas étranger son attrait du risque pour courir au secours des voyageurs, en détresse dans les glaciers. De même, je me suis dit souvent, en considérant les organisations actuelles pour adolescents, si notre père avait été autrefois si content d'être enfant de troupe, combien il aurait aimé faire partie des scouts, s'il y en avait eu de son temps. Camper à l'aventure aurait été son bonheur. Il avait, en effet, un insurmontable courage, de la décision, de l'endurance, de l'énergie. C'était un vrai fils d'officier. Ce passage d'une lettre de ma mère, relatant l'occupation d'Alençon par les Prussiens, en novembre 1870, est bien significatif. Il serait encore possible que l'on fît sortir les hommes de 40 à 50 ans, je m'y attends presque. Mon mari ne s'en émeut pas du tout. Il ne demanderait pas de grâce et dit souvent que, s'il était libre, il serait bientôt engagé dans les francs-tireurs. Son grand sang-froid avait été remarqué par les domestiques de la maison. Une servante des Buissonnet, Madame Félicité Saffray, écrivant au Carmel, le rappelle ainsi. Monsieur Martin était surtout un saint et si courageux, il n'avait peur de rien. La vérité est qu'aussitôt qu'il y avait péril quelque part, il accourait de ce côté, ainsi que je viens de le dire. Autrefois, à Alençon, lors d'une adoration nocturne à Notre-Dame, il trouva le dortoir de ces messieurs en flammes. L'incendie était dû au poêle, dont on avait trop poussé le feu. Celui fut une occasion de déployer tout son ingénieux dévouement, jetant les matelas par les fenêtres et sauvant tout ce qu'il put. Les lettres de ma mère en parlent. Un matin, le feu faisant rage à l'intérieur d'une masure, en face des Buissonnet, il se porta au secours de la vieille femme, une Irlandaise, restée seule au logis, et se rendit maître de l'incendie. Dans des cas semblables, il ne voulait point d'aide et empêchait de crier, au feu de crainte de pillage. La pauvre femme levait les bras au ciel, lui demandant, dans sa langue étrangère, toutes les bénédictions pour son sauveur. De ce fait, je fus témoin. Pour celui qui va suivre, c'est à mon père que je l'ai entendu raconter. Sa présence d'esprit est encore manifeste. Voici l'événement. Parti à la pêche, près de Lisieux, il se trouva aux prises avec un taureau furieux qu'il aperçut mettant en pièces sa boîte d'instruments de travail, restée à quelque distance. Rassembler ses lignes et s'enfuir fut l'affaire d'un instant. Mais l'animal le serrait de si près qu'il aurait été infailliblement terrassé sans une manœuvre aussi tardive que prompte. Sans cesse, il se retournait vers le taureau et le menaçait avec son vaisseau de ligne, ce qui le faisait reculer, routant du terrain gagné, notre père courait en avant, renouvelant sa charge à fond, jusqu'à ce qu'il eût enfin touché la clôture de l'herbage. Il termina son récit par ces mots. Remerciez le bon Dieu, mes enfants, sans sa protection, vous auriez bien failli, cette fois, ne plus me revoir. Ce qui montre en quel péril extrême il s'était trouvé. Dans cette occurrence, notre père avait, par son sang-froid, sauvé sa propre vie. Il n'aurait pas hésité à l'exposer pour un étranger pris dans la même impasse. Cette vaillance naturelle se muait en charité sur d'autres champs d'action, selon le hasard des circonstances. À Alençon, j'ai assisté à bien des faits, où ma mère partageait avec mon père l'honneur et le mérite des bonnes œuvres. Je me souviens d'un miséreux recueilli et puisé sur une route. Nos parents l'ayant fait entrer à la maison, l'hébergèrent copieusement, lui procurèrent des vêtements, des chaussures. Pendant qu'il les essayait, son visage rayonnait d'un tel bonheur qu'après tant d'années je n'en avais alors que ce tableau m'est encore présent. Ensuite, on l'invita à se présenter chez nous aussitôt qu'il serait dans le besoin. Entre-temps, notre père, ayant pris des renseignements, sut que cet homme, seul sur la terre, logeait dans une grange et mendiait sa nourriture aux portes des casernes. À force de démarches, il parvint à le placer chez les petites sœurs des pauvres. Nombre de nécessiteux furent ainsi secourus, voire même un ménage appartenant à la noblesse. Mon père l'avait remarqué, appuyé tristement contre la grille de la préfecture et paraissant dans la plus grande détresse. Après avoir pourvu au plus pressé, il trouva au chef de famille une situation honorable. C'est le fils de ce monsieur qui, au jour de la naissance de Thérèse, apporta à la maison un souhait de bienvenue en verre, de la part de son père reconnaissant. Un autre de ses obligés lui adressait cet acrostiche. Mieux que lui, qui jamais sut, grand et noble cœur, à qui l'implore, offrir un appui protecteur. Rien ne peut altérer son aimable franchise, toujours la loyauté compose sa devise, Il sait être pour tout affable et généreux, nul ne l'implore en vain aux moments orageux. Ses amis, témoins de ses rares vertus, en avaient conservé le souvenir. C'est ainsi qu'après la lecture de l'histoire d'une âme, en 1899, l'un d'eux écrivait, Monsieur Christophe Desrosiers, ce n'est pas sans une vive émotion que j'ai trouvé là le portrait physique et moral de ce cher Louis, un des hommes que j'ai le plus aimé sur la terre. Je n'ai jamais rencontré de cœur plus haut, ni d'âme plus généreuse, et c'est sûrement de lui que sœur Thérèse de l'Enfant Jésus tient la noblesse de ses sentiments. Sur le chapitre de ses charités, sujet inépuisable, je ne peux que rappeler ici quelques traits. C'est par exemple l'affaire si épineuse de la petite Armandine, exploitée par deux indignes créatures qui, en fraude, avaient revêtu le costume religieux. Ma mère ayant résolu de soustraire l'enfant à la servitude, ses mégères m'appelèrent aux tribunaux où il lui fallut comparaître. Mon père se fit un devoir de l'accompagner. Elle relate toute cette histoire dans ses lettres, avec quelques détails et, on le sent, quelle émotion. Tous deux très généreux, non seulement ne ménageaient pas aux déshérités un appui moral aux dépens de leur tranquillité, mais leur venaient en aide par le moyen de secours pécuniaires. Mon père avait toujours la main à la poche pour donner aux mendiants qu'il rencontrait dans les rues. De Constantinople, durant son voyage en Europe centrale, il écrivait à ma sœur aînée, donne, ma Marie, donne toujours. Nos parents prenaient aussi un soin affectueux des ouvriers employés à la maison. Ils les traitaient avec égard. De même pour les dentellières qui travaillaient le point d'Alençon. Elles étaient visitées et ils n'auraient pas accepté que quelque chose leur manquât. Le monastère déclarait c'était l'objet de leurs bienfaits constants et bénéficiait du produit de la pêche de mon père. Plus tard, ses largesses allèrent au Carmel de Lisieux. Si, sur son chemin, il rencontrait un homme ivre, il lui offrait le bras et le reconduisait à sa demeure, non sans accompagner son geste charitable d'une bonne remontrance. Une fois, il en ramassa un, tombé dans le ruisseau. Quand il l'eut relevé, prenant sa boîte d'outils, il le ramena à son domicile. En une autre circonstance, ayant vu, à la gare, un épileptique qui n'avait pas le moyen de payer son billet, il tendit son chapeau à tous les voyageurs et, après avoir soldé le prix du voyage de cet homme, il l'installa lui-même dans le wagon. Je puis m'édifier encore d'un acte de charité d'un autre genre et plus caché. Nous étions en promenade à la campagne quand, aux abords de la ville, mon père entra dans une maison, inconnue de nous, mais qui lui paraissait familière. Je le vis donner une somme d'argent à une femme, mère de famille, qui s'y trouvait seule avec ses enfants. Très surprise, je lui dis, « Papa, tu la connais donc cette personne-là ? » ?»« Oui, me répondit-il, c'est une malheureuse que son mari abandonne, par période, et que j'ai pris l'habitude de secourir. » Était-ce l'un de ces foyers indigents, visités par la conférence de Saint-Vincent de Paul, dont mon père était l'un des plus fervents zélateurs? Je l'ignore, mais ce trait m'en fit présager beaucoup d'autres semblables. D'ailleurs, il ne pouvait voir aucune misère sans la soulager. Un matin, il rencontra, à l'église, un vieillard qui paraissait exténué. Il le fit venir au Buissonnet, le ravitailla de son mieux et, comme celui-ci s'en retournait plein de reconnaissance, il nous fit agenouiller à ses pieds, Thérèse et moi, pour qu'il nous bénisse. Nous étions alors de grandes jeunes filles, nos aînées étaient déjà religieuses. Sa charité brillait encore sur un autre plan, ainsi que l'atteste ce beau témoignage rendu après sa mort. Sa charité était admirable. Il ne jugeait jamais personne et trouvait toujours une excuse au tort du prochain. Cet éloge spontané de ses amis d'Alençon qu'il avait toujours connu, fut imprimé sur son mémento dont l'archiprêtre de Saint-Pierre disait qu'il le dépeignait tout à fait. À ce propos, un petit incident me revient en mémoire. Mon père avait une dentition parfaite, et je ne le vis qu'une fois aller chez un dentiste pour une extraction. Mais quels que fussent les efforts du praticien, il ne put même pas ébranler la dent. S'apercevant alors que celui-ci était inquiet pour sa réputation, si la chose venait à se savoir, il lui dit avec bonté, « Ne craignez rien, je ne le dirai à personne » et il tint parole. Sa patience était, en effet, inaltérable. Une fois qu'il était allé réclamer un loyer, c'était dans la grande rue, à Lisieux, la femme le poursuivit en criant des propos malhonnêtes. Jean était bouleversé, mais lui resta calme et ne répondit rien, sans laisser échapper ensuite une seule plainte contre cette personne. C'est fréquemment que j'ai eu ainsi l'occasion d'admirer l'empire qu'il avait sur lui-même, ou plutôt qu'il prenait, car il était vif de caractère. On racontait, à la maison que, lors de l'occupation, en 70, notre père dut se défendre d'un Prussien qui dérobait une montre. Il porta plainte, mais ayant appris qu'un soldat avait été fusillé pour avoir volé des œufs, il la retira aussitôt. Au cours de notre voyage à Rome, sa charité délicate atteignit parfois des degrés héroïques. Il excusait et supportait le prochain, cherchant à lui être agréable en tout. Il ne se plaignait jamais de rien et encourageait, comme Thérèse l'a raconté, un vieux monsieur toujours morose, qui trouvait à redire à toute chose. Je l'ai bien admiré quand, en wagon, il nous excusa à propos du jeu de quarte, auquel on voulait que nous prenions part. Mais nous étions jeunes et curieuses de voir tout le paysage, aussi papa nous protégea-t-il en ce sens. Il glissa alors un mot sur les prières que les parties animées empêchaient parfois de réciter. L'un des joueurs le prit mal et dit avec humeur, « Heureusement que les pharisiens sont rares. » Notre père alors ferma les yeux, sans répondre un seul mot, comme s'il n'avait pas entendu. Il se montra ensuite très aimable pour ce monsieur, comme le souligne encore ma sainte petite sœur, à l'exemple de saint François de Sales, il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde.